Clodion, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Clodion, à AJF Mézières. Voilà longtemps, longtemps, vous avez vu peut-être un homme qu'à ses traits vous pourriez reconnaître. Il était long et sec, habillé tout de noir. Il passait le matin et repassait le soir. Le long des boulevards, seul, grave, lent et digne, ainsi qu'un omnibus qui suit toujours sa ligne. Il donnait froid l'hiver, il donnait chaud l'été, car il était couvert d'un habit écourté, dont le lustre accusait le trop antique usage. Il ne changeait pas plus d'habit que de visage, si bien que vieillissant l'un et l'autre à l'envi, tous deux semblaient râpés pour avoir trop servi. Le chapeau, sans avoir sa fraîcheur primitive, gardait le souvenir de sa mode native, son maître ayant toujours porté la tête au vent. L'arrière était bien moins dévasté que l'avant. Il avait conservé cette forme conique qui distinguait jadis un chapeau romantique. Mais ce qui signalait cet homme singulier au regard des passants pour les humilier, c'était des cheveux longs, ses cheveux longs et vierges, mêlés comme les toupes et droits comme des cierges, qui semblaient l'abriter sous un balai de crin, du haut de l'occiput à la chute des reins. Les badauds s'arrêtaient partout sur son passage. « C'est un fou, » disait l'un, « et l'autre, c'est un sage. » Il est courtier marron, ancien négociant, officier en retraite, artiste, étudiant, répétiteur de droit ou de mathématiques, inspecteur des pavés, des voitures publiques. Chacun disait son mot, et chacun avait tort. Aisément j'aurais mis tout le monde d'accord, car je le connaissais, ce grave personnage. Ce n'était pas un fou, ce n'était pas un sage, c'était tout simplement l'illustre Clodion. Clodion, qu'est-ce là? La belle question. Vous ne le savez pas? Voulez-vous son histoire? Écoutez, vous verrez si j'ai bonne mémoire. C'était en l'an 1833. Un jeune Toulousain, de la plus pure essence, s'en allait visiter pour la première fois la capitale de la France. Fils d'un pharmacien honnête et régulier, dans ses mœurs et ses habitudes, Paul, appelons-le Paul, avait fait ses études à l'école de Montpellier. Reçu je ne sais quoi, gradué, bachelier, licencié, peut-être plus encore, poussé par des instincts plus doux que criminels, il faisait ses adieux à la cité d'Isor, au Capitole, aux bocaux paternels, pour aller à Paris, tout seul. Non, je me trompe, il avait un vieux compagnon qu'il conduisait en grande pompe. Je suis bien empêchée de vous dire son nom. C'était un compagnon bien nourri, haut et large, un puits de sentiments, un abîme d'esprit. Ce compagnon était un manuscrit. Un mulet montagnard en aurait eu sa charge, un drame en 5 actes, en vers, écrit sur du papier à 30 francs la rame. On ne peut pas moins pour un drame qui devait fasciner l'univers. Notre homme se mit donc en route, rêvant le million, non, rêvant le succès. Arrivé dans Paris, vous devinez sans doute qu'il alla droit au Théâtre Français. Il entra sans fierté, sans morgue, on peut le dire, et fut très poliment reçu par le portier, qui lui promit avec un doux sourire de lire son ouvrage et de l'apprécier. Notre Paul devait-il faire plus? Je l'ignore. Attendre? Il attendit. 6 mois après, il attendait encore. Il attendait toujours. Un matin, il se dit « Mon drame est un peu long. Je gage que raccourci d'un acte, il plairait davantage. Mon chargement est lourd. Je coule. Je prends l'eau. jetant du lest et sauvant le vaisseau. Ce n'est pas assez de le dire, il le fit. Un raccord subtil, ingénieux, remit à flot le précieux navire. Un membre retranché, le corps se porta mieux. Un mois après, il eut la pièce écrite, de sa plus belle main, sur son plus beau papier. Et Paul fit en tremblant sa seconde visite à l'impénétrable portier. Il voulait lui parler, espérance fragile. La pudeur vint l'en empêcher. Il rentra sous sa tente et, ferme comme Achille, attendit que les Grecs l'envoyassent chercher. Tous les jours, le facteur passait sous sa fenêtre. Le théâtre affichait des pièces tous les jours et son nom ne brillait jamais sur une lettre. Et l'on jouait du scribe, et du scribe toujours. Oh, qui peindra cette angoisse poignante, ce tourment journalier, cette éternelle attente? Mais passons là-dessus. Apprenez seulement que 4 ans écoulés après l'enfantement de cette œuvre désespérante. Le drame, délivré de son fier dénouement, allégé, dégagé de plusieurs dithyrambes, diminué d'un songe, erroné d'un discours, coupé tous les 6 mois, amoindri tous les jours, mutilé des 2 bras, amputé des 2 jambes, se présentait encore au théâtre français, en un acte, un seul acte, et sans plus de succès. Bien mieux, le vers pompeux se faisant prose vile, l'or se tournant en plomb, le grand drame devint comédie et puis vaudeville, se fit plat, se fit sot, en vain, se vêtit en bourgeois, prit la langue vulgaire, plumé, rasé, pelé, tondu, devenu bête, ayant perdu toute grâce, tout sel, tout sucre, tout caractère, enfin, n'ayant plus rien de ce qui peut déplaire. L'intrigant fut solliciteur, fit la cour à l'actrice, au souffleur, au lampiste, fut à la fin reçu par un vieux directeur, un directeur artiste. Le lendemain matin, ce directeur mourut, et drame, vaudeville, auteur tout disparu. Voilà quel fut le début littéraire de celui qui devait être un jour Clodion. Mais n'anticipons pas, une digression, assez courte du reste, est ici nécessaire. Il était alors dans Paris, une collection de jeunes gens de lettres, petits valets et petits maîtres, riches ambitions dans de pauvres esprits. On entonnait l'hymne de délivrance, on voulait tout changer et sur de vieux débris édifier la jeune France. Le travail n'était rien, le talent était peu, il fallait avoir du génie. Or, ils en avaient tous d'après leur propre aveu. De sorte qu'un beau jour la France rajeunie adopta crânement pour devise « génie ». Pour mot de ralliement, pour marque de vertu, cheveux longs et chapeaux pointus. « Vous êtes des bourgeois, nous sommes des artistes », criait-il dans la rue en montrant de gros yeux. Du reste, il composait des choses assez tristes, et la France, en effet, du moins celle des vieux, n'y reconnaissait pas la langue des aïeux. Je ne sais trop comment Paul fit la connaissance de quelques-uns des plus intelligents de ces aimables jeunes gens. D'abord, il s'amusait de leur extravagance, mais il y prenait goût, tout en la plaisantant. Chaque déception qui l'éloignait du monde le rapprochait d'autant de la doctrine brune et blonde. Tout venait aboutir à ce foyer latent, et ses cheveux croissaient, croissaient avec la haine des épiciers et des bourgeois. Le feu sans éclater mine et brûle la laine. Il n'avait plus déjà son chapeau d'autrefois, ce chapeau large autant du haut que de la base. Le sommet s'étrécit et le bord s'extravase. Le jour se fait, le héros dévoilé se montre sous l'enfant timide. L'insecte merveilleux, le papillon ailé dépouille l'humble chrysalide, de sorte qu'un beau jour la révolution se fit sans bruit et sans tonnerre. Le jeune Toulousain, l'élève apothicaire, était devenu Clodion. Clodion, le beau nom, l'avait-il pris lui-même, ou bien quelque illustre parrain s'était-il chargé du baptême? On ne l'a jamais su, mais il est bien certain que jamais nom vint-il de la noble Allemagne, fut-il antérieur au temps de Charlemagne, ne fut porté plus haut que par mon Toulousain. Donc, après quelque temps, la Pléiade sublime s'enrichissait de notre ami, mais celui-ci n'était pas d'un régime à faire la chose à demi. Il devint le plus fier parmi ses fanatiques. Certaines chaleurs du midi fermentaient dans son sang trop longtemps engourdi. Il avait des fureurs, des mépris frénétiques. Il terrassait Racine, il foudroyait Boileau. Pour Corneille, pourtant, il ôtait son chapeau. En public, dans la rue, il prenait la parole, ameutait les passants, insultait les bourgeois, recevait des soufflets, se battait tous les mois. En un mot, il était un des chefs de l'école. Lancé sur cette voie, il ne s'arrêta plus. Dans son ardeur pour la réforme, il donnait le vertige aux moins irrésolus de ses combattants chevelus. Point de fond, point d'idée, il lui fallait la forme, le style ciselé, le style rutilant, flambant, palpitant, pantelant, les bas-reliefs d'airain, les sculptures massives, l'enjambement hardi, les rimes convulsives. Mais direz-vous, avait-il du talent? Il alignait des vers, aussi bien que les autres, et j'en connais plusieurs parmi ces fiers apôtres, je parle des plus glorieux, qui ne pensaient pas plus et ne rimaient pas mieux. Le pauvre Clodion n'eut pas leur renommée. Pourquoi cela? Je n'en sais rien. Qui sait comment la gloire vient? Comment elle s'en va? Hasard et puis fumée. Clodion n'en eut pas, cela je le sais bien. Laissons passer 10 ans. 10 ans, c'est peu de chose quand on parle du temps passé. Quel changement, quelle métamorphose, qu'est devenu ce soleil éclipsé? Où sont-ils les soldats de ce camp dispersé? Chacun a fait son nid, sa case, sa boutique. Qui dans le feuilleton, qui dans la politique? D'aucuns vendent des actions. Ô désolation des désolations! Seul, au milieu des ruines couchées, comme un chêne restant des forêts défrichées, un homme était debout. Il avait conservé son austère figure, l'antique sombrero, la longue chevelure, et l'on voyait passer partout ce débris d'un âge héroïque, ce fossile vivant dont la voix poétique chantait « Impavidum feri ruens ». Quel était ce héros, ce demi-dieu, ce maître? En effet, qui pouvait-il être? Clodion? Oui, c'est vous qui l'avez deviné. Qui sait si dans 1000 ans, dans 2000 ans, peut-être, le dernier de nos éléphants ne sera pas promené par les rues, expliqué, commenté par les nouveaux savants et poursuivi par les petits-enfants, comme un échantillon des races disparues. Tel était Clodion au milieu de Paris. C'est alors qu'il passait devant les éventaires, sujet de colibés, thème de commentaires, seul, insoucieux, incompris. Ah, le temps n'était plus de ces ardeurs lyriques qui s'exhalaient au ciel en strophes pindariques. Et pourtant, il fallait manger. C'est la loi, loi dure et brutale. L'hôte affamé que rien ne saurait déloger. Comme concession à la vie animale, le Dieu fut descendu jusqu'au vers léger, jusqu'au roman à la mode. Rien de plus facile à traiter. Il eût suivi la commune méthode. Mais se faire imprimer, mais se faire éditer, voilà ce qui n'est pas commode. Les journaux regorgeaient, la casse et le séné, sous des prétextes politiques, s'y livraient tous les jours des combats fantastiques. D'ailleurs, le lyrisme effréné, le style coloré, les épices attiques, n'étaient pas pour flatter le goût de l'abonné, Et cependant, quoi que l'on fasse, il faut vivre. Comment ? Cherchons. Les confiseurs, ces antiques soutiens du culte des neuf sœurs, ces hospitaliers du Parnasse, oubliaient leurs devoirs et manquaient à leur race. Ils avaient racheté les vers des grands auteurs, coupé, taillé ces poésies, en morceaux ronds, carrés, divers, en avaient habillé leurs pralines choisies. Si bien que dans les grands desserts, les messieurs bien vêtus et les aimables dames, pour le plaisir des sens et l'ornement des âmes, grignotaient en lisant des bonbons de huit vers. Ô ruses de l'enfer, inventions infâmes, les fabricants de mirlitons, consommateurs de ces petits poèmes, qu'ils achetaient au prix de quelques rogatons, pour ne plus les payer, les fabriquaient eux-mêmes. Ce métier, Clodion, ne l'aurait pas voulu. Mais les héros ne sont pas d'une pièce. On dit que Jupiter eut ses jours de faiblesse. La fin est un maître absolu, qui vous commande, qui vous presse. L'estomac parlait haut, l'esprit fut comprimé. Le poète céda devant l'homme affamé. Il ne put illustrer les bonbons littéraires. Il n'orna pas de ses rimes légères, les mirlitons dégénérés. Il descendit plus bas. Il fit de la réclame. Clodion, Clodion, souviens-toi de ton drame. Et vous, muses chastes, pleurez, pleurez ce phaéton, pleurez ce jeune Icare, ce trop fier nourrisson d'un siècle trop avare. Pleurez ce génie éclatant, réduit à célébrer les bienfaits d'un dentiste. Je veux vous le dire pourtant, s'il traita la réclame, il le fit en artiste. Il lui donna la forme et la couleur, dédaigneux d'un succès facile. Il vend son sujet à sa propre hauteur. Il inventa la réclame de style. De quel ton inspiré, de quel vers abondant. Il festoyait ses mains fermes et sûres, qui plaçaient, déplaçaient et replaçaient les dents, sans crochet et sans ligature. Fallait-il annoncer en termes redondants une de ces eaux destinées à combattre l'effet des rapides années? C'était l'huile d'iris ou la crème d'ébé, pour les pâtes hygiéniques qui donnent au teint bis des blancheurs chimériques. Il invoquait le nom de Niobé. Cléopâtre l'avait instruit de ses arômes, de ses parfums orientaux. Les blessures séchaient à l'aspect de ses baumes. Ils avaient retrouvé, grâce à ses longs travaux, les secrets d'Absalon et ceux d'Alcibiade. Il en faisait jaillir, par les moyens nouveaux, l'élixir de beauté, l'essence de pommade. Puis, quel terme discret, quel détour délicat, pour faire deviner l'emploi de ces vinaigres. Il maigrissait les hommes gras, il engraissait les femmes maigres. Eh bien, ce novateur, cet homme universel, ce chimiste, ce philanthrope, dont les œuvres couvraient tous les murs de l'Europe, vous l'avez vu passer fier comme un immortel, méditant, composant ces étranges merveilles, qui chatoyaient aux yeux et charmaient les oreilles. Il marchait sans regard, plus grave qu'un imam, toujours pensif, toujours le même. Il semblait avoir pris son habit pour emblème et ses cheveux pour talisman. C'est que le malheureux croyait à son génie. Oh, vous tous qui l'avez connu, voulez-vous maintenant savoir son agonie? Avez-vous demandé ce qu'il est devenu? Quelques pages encore et l'histoire est finie. Un jour, voilà 10 ans, Clodion affamé fit rencontre au coin d'une rue, sur le bitume accoutumé, d'un ancien compagnon de la secte pointue, un fuyard, un civilisé, un lion de l'Atlas qui s'était mis en cage, un poète élégant, un poète rasé, un chapon fier de son plumage, au reste assez bon compagnon. Esprit souple et commun, sans valeur, sans nature, il avait réussi, comme on se le figure, S'il était moins connu, je citerais son nom. Clodion ne l'eut pas abordé, je le jure. Ce fut l'autre qui l'appela, lui prit la main et lui parla. De ses nombreux succès, de son fils, de sa femme, finit par l'inviter à souper. Ce soir-là, la porte Saint-Martin donnait son nouveau drame. 8 actes et 15 tableaux. Truc inédit, fanfare militaire, haute moralité, danse de caractère, décors et costumes nouveaux. Le succès, grand succès, était fixé d'avance. Tout était calculé, compté, réglé, soldé. On n'avait pas épargné la dépense. Le souper de réjouissance était depuis 2 jours chez Véfour commandé. C'est à cette fête d'artistes que l'heureux dramaturge invitait Clodion. Un souper d'écrivains, d'acteurs, de journalistes. Une telle invitation pouvait-elle être rejetée par un vieux compagnon, par un ancien ami? Non, vous en convenez, elle fut acceptée. Donc, le soir même, à 00h30, le noble Toulousain, dans son plus beau costume, c'est-à-dire celui qu'il portait de coutume, entrait à pied, à jeun, chez le fameux traiteur. Un des garçons voulait lui refuser la porte, le prenant pour... Enfin, n'importe, il entra. Son entrée eut un succès flatteur. Il trouva là quelques vieux romantiques qu'il avait autrefois connus, depuis dramaturges critiques, vaudevillistes devenus. Ils étaient tous plus ou moins parvenus, selon leur aptitude à manier la prose, et tous plus ou moins décorés, selon leur énergie à demander la chose. Ils furent très polis, pour des hommes lettrés. On parla de la pièce, elle était éclatante. Ce n'était que rire et pleurs. L'enthousiasme avait dépassé toute attente. Succès d'argent, 20 couronnes de fleurs par le directeur achetées au moment solennel avaient été jetées, sous le feu des bravos hurlés par les claqueurs. À ce moment, 2 actrices entrèrent. L'incident détourna le cours de l'entretien. Les flatteurs aussitôt vers elles se tournèrent. Elles avaient tout fait, la pièce n'était rien. Bref, tout se pratiqua suivant l'usage ancien. Et l'on se mit enfin à table, usage plus ancien, surtout plus respectable. Ces convives étaient des gens pleins de gaieté, obligés toujours dans le monde de cacher avec dignité les méditations de leur âme profonde, accablés sous le poids de leur apostolat, de leur nom affiché, de leur gloire connue, ainsi que les hommes d'État. Ils sont froids dans le verbe et secs dans la tenue. Ici, c'était tout différent. Ne pouvant pas s'en faire à croire, ils savaient oublier leur majesté, leur rang, et se compromettaient jusqu'à manger et boire. Comme de braves gens, ils s'amusaient entre eux. Ils racontaient des contes graveleux. Je ne parle pas des actrices. C'étaient des écoliers espiègles et gouailleurs, des diseurs de bons mots, des faiseurs de malice, je dirais presque des farceurs. N'était le grand respect que j'ai pour les auteurs. Clodion, cependant, était d'une autre étoffe, chacun jasant comme eût fait un portier. Il buvait comme un chansonnier, il mangeait comme un philosophe. Il vidait les flacons, il absorbait les plats. Il n'avait vu jamais pareille fête. Les vins étaient fumés et les mets délicats. Ces diverses vapeurs fermentaient dans sa tête. Il n'avait rien dit jusque-là. Mais enfin, lorsque vint le dessert, il parla. Les oiseaux babillards se turent pour l'entendre. On était curieux d'apprendre ce qui pouvait sortir de cette tête-là. Il parla. Ce qu'il dit, qui pourrait le redire? Qui peut peindre un torrent précipité démon, un agonisant en délire, ou Satan dans le noir empire, conduisant le cœur des démons? Il foudroya du mot, du regard et du geste, ces courtisans de l'or, ces déserteurs du beau, ces traîtres satisfaits d'une gloire modeste, renégats de la forme, apostats du chapeau, ces crânes sans cheveux, ces cerveaux sans cervelle, esclaves éhontés d'un stupide public, de l'âme et de la muse ayant fait le trafic, aigles désemparés ayant vendu leurs ailes, et sa bouche écumée et ses yeux flamboyés, et tous les convives riaient. Il semblait qu'il allât descendre dans l'abîme, l'ivresse doublant sa fureur. Il fut terrible, il fut sublime. Il fut si grand, si beau, si laid qu'il faisait peur. Puis les sons de sa voix par degrés s'affaiblirent. Son geste avait perdu sa force et sa fierté. Ses prunelles de feu d'un voile se couvrirent. Il s'endormit. Le cygne avait chanté. Le soleil colorait la fenêtre entr'ouverte. Les moineaux du palais royal réclamaient des passants leur repas matinal. Clodion s'éveilla. La salle était déserte. Sur un divan, il était renversé. Il cherche à rappeler sa fragile mémoire. Que pouvait-il s'être passé? Au milieu de la table, un plat était dressé. Et ce plat contenait, voudrez-vous bien le croire, ce plat contenait des cheveux bruns et longs, tout semblables à ceux. La brise du matin vint rafraîchir sa tête. Il y porta la main. Ciel, ici je m'arrête. Ses cheveux sur un plat dressé, ses cheveux servis sur la table, ses cheveux achevés, vous les reconnaissez? Ô pauvre Clodion, ô nuit épouvantable! Vous croyez que dans sa fureur, il poussa pleurs et cris, il brisa les assiettes? Non, les grandes douleurs sont sèches et muettes. Il demeura fixe dans sa stupeur. Il voyait dans la glace un horrible visage, un mannequin sans forme, un masque sans couleur. C'était lui, grand Dieu, quel ravage! Titus, cet empereur aussi simple que sage, connu pour sa clémence et pour ses cheveux courts, n'avait pas la tête plus rase. Adieu, beauté, génie, amour, papillon aux ailes de gaz, quand vous fuyez, c'est pour toujours. Regardez ce noble jeune homme que vous visitiez autrefois. Savez-vous comment il se nomme? Le poète a vécu. Saluez le bourgeois. Clodion n'était plus lui-même. Son crâne chauve était ridé. Il le frappa du poing dans un geste suprême, et le crâne sonna comme un couchon vidé. 2 jours après, Paul était à Toulouse. Il revit le toit paternel, s'orna d'un tablier, d'un pilon, d'une épouse, qui lui firent des jours de jujube et de miel. En ce moment, Florine espère que le nourrisson toulousain, qu'avec un juste orgueil, elle porte en son sein, sera le successeur et le fils de son père. Un jour, Florine, assise au comptoir conjugal, disait à son mari, « Que contient ce bocal? Du chanvre noir ou de la mandragore? » « C'est, lui répondit Paul d'un ton patriarcal, de la racine des lébores. » Cependant, à Paris, le long des boulevards, la foule des oisifs accourt de toutes parts, assiste au carnaval de la ville élégante, fume, prend son café, suit le cours de la rente, sans même remarquer qu'elle n'aperçoit plus Clodion, le dernier des héros chevelus. Fin de Clodion, enregistré par Margot.